Quand les gens dépressifs arrivent à identifier leur souffrance, c'est-à-dire que c'est une souffrance qui a des causes sociales et pas des causes psychologico-psychanalytiques, donc ils arrivent à identifier leur souffrance et qu'ils arrivent à se regrouper et à lutter ensemble, ils sortent de la dépression pour rentrer dans la résistance. L'alternative à la dépression, c'est soit le médicament et l'explication psychologico-individuelle, hein, qui fait partie de la logique de domination libérale, soit l'engagement dans la résistance. Cette société libérale sécuritaire pousse par tous les moyens à l'hyper-individualisme. Et que cet hyper-individualisme, qui est présenté comme liberté, la liberté du moi-je, est en réalité, dans le monde social réel, une grande solitude. Pour devenir résistant, il faut sortir de la dépression, et que le moyen de sortir de la dépression, c'est de passer à la résistance, c'est-à-dire à l'identification des causes sociales et objectives de sa névrose, sortir du piège de l'explication psychologico-psychanalytique, qui dirait en fait que le problème vient de vous, alors qu'en fait il vient quand même du mensonge, je dirais, du système et de sa violence réelle. Et dès lors qu'on a identifié ça et qu'on comprend la violence du système, on peut s'engager effectivement dans une résistance qui est toujours collective, et donc sortir de la solitude, sortir de l'inexpliqué, et effectivement sortir de la dépression pour rentrer dans la résistance. On voit bien que le système libéral sécuritaire a tout intérêt à avoir des individus dépressifs en face de lui. Un individu dépressif est beaucoup plus rentable pour la société marchande policière qu'un individu conscient et lucide qui, lui, est quelqu'un qui peut s'opposer. Et cette société a intérêt à produire le plus possible de dépressifs. Cultivons-nous, produisons de la critique, fédérons-nous, sortons de la solitude, je dirais même amusons-nous, car il y a une dimension festive dans la résistance et dans la dissidence. Et surtout, n'ayez pas peur de la diabolisation, soyez courageux, n'ayez pas peur des anathèmes, hein, ne vous soumettez jamais au processus de diabolisation de l'ennemi. Hein. Alors nous allons parler de notre société et de ses dérives, et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Soral. Bonjour. Alors vous êtes écrivain essayiste français, vous vous présentez comme un intellectuel dissident. Vous êtes l'auteur d'ouvrages consacrés à l'étude de la société et son évolution, on peut citer notamment « Vers la féminisation »,« Misère du désir »,« Chute, éloge de la disgrâce ». Vous êtes président d'Égalité et Réconciliation, qui est une association, ou bientôt un parti politique, transcourant, œuvrant pour la réconciliation nationale du peuple français. Enfin, vous vous définissez de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Ouais, c'est pas mal, c'est ça. Quelle est votre analyse de la société, de notre société occidentale, et comment voyez-vous son évolution depuis mai 68 ? C'est une vaste question, mais disons que là, on est dans le règne de ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, c'est-à-dire la société marchande, une société marchande fondée sur le désir. Mmh. Et on voit un processus, un double processus. Un, c'est une logique libérale qui est d'étendre la logique marchande à tout, donc à des secteurs qui sont progressivement de plus en plus éloignés de la marchandise au sens premier du terme. Hein, donc c'est marchandisation de la culture, marchandisation même de l'enfance à travers la généralisation de l'adoption, enfin, ça c'est le premier processus, donc généralisation du libéralisme marchand. Et l'autre processus, c'est la mondialisation de ce processus, et qui est plus que la mondialisation, ce qu'on peut appeler le mondialisme, c'est-à-dire que ce processus d'extension de la logique libérale se fait sous le pilotage d'une oligarchie elle-même mondialiste, hein, qui a tendance à vouloir donc généraliser la loi du marché intégral et abolir tout ce qui pourrait être un frein, et notamment les frontières, les nations, les cultures enracinées, la spiritualité, tout ce qui fait frein au monde de la marchandise intégrale. Voilà, donc je pense qu'on est depuis mai 68, quelque chose de très visible, qui est ce processus de globalisation libérale, et qui est passé par des étapes clés comme la disparition de l'alternative qui était le socialisme, vous voyez, mmh. qui était l'alternative au libéralisme, qui était d'ailleurs un autre mondialisme qui s'appelait l'internationalisme, hein, qui est tombé, Donc on est dans une période effectivement de, où il n'y a plus qu'une seule vision du monde possible dans le monde occidental, c'est la vision libérale qui a digéré, dissous toutes les oppositions. Et on est dans une période aussi où cette logique libérale qui à un moment donné a pu être dans les Trente Glorieuses, ou qui a pu se valoir de succès, en termes d'élévation du pouvoir d'achat ou de la qualité de vie, est entré dans une période où le peuple ne voit plus très bien les avantages pour lui de cette globalisation libérale. On est rentré dans une période d'inégalité sociale accrue, de violence accrue. Donc dans une période où à la fois il y a une globalisation libérale à marche forcée qui de plus en plus se fait contre la au détriment des peuples et qui a tendance à faire baisser leur qualité de vie. Hein, donc une période donc où la globalisation libérale est toute puissante sur le plan politique, c'est-à-dire a détruit toutes les oppositions et en même temps de moins en moins légitime sur le plan pratique puisque les gens voient de moins en moins l'intérêt de cette globalisation libérale quant à leur qualité de vie sur le plan pratique et quotidien. Voilà. Donc si on vous comprend bien, cette évolution a été voulue par une certaine oligarchie financière, on peut dire. Elle est la logique même du capital, qui est un processus qui s'autogénère, c'est-à-dire que la logique du capital est une fuite en avant qui, comme Marx a très bien théorisé, détruit toutes les barrières et a tendance à tout transformer en marchandises. Donc c'est à la fois un processus intrinsèque au libéralisme et en même temps un processus qui est piloté par une oligarchie qui est l'oligarchie du capital. Hein. Ok, donc le but de ce processus est de défendre les intérêts donc des grands patrons de cette oligarchie. Le but de ce processus est d'accumuler du capital et de faire du profit, et ce profit est aux mains d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un groupe d'individus et ce groupe d'individus en favorisant et en travaillant à ce profit, augmente aussi sa domination. Donc c'est un double processus. C'est un processus de logique du capital et un processus de domination d'une oligarchie. Et en fait, ce sont les deux faces d'une même médaille. Hein. C'est-à-dire, le profit et la domination. C'est les deux moteurs. Et ce profit, comme cette domination, va non pas à l'ensemble des populations par un partage, une redistribution, mais va à une oligarchie de plus en plus riche et de plus en plus restreinte, et de plus en plus identifiable, hein, ce qu'on appelle l'oligarchie mondialiste. Jacques Attali, économiste et conseiller du gouvernement français actuel, a récemment été nommé au Conseil culturel de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, dans la description que vous venez de me donner... Ça correspond très bien, ouais. Effectivement, à ce dont parle Attali et ce qu'il incarne. Oui. Donc, est-ce que lui-même a participé à cette évolution? Oui, bien sûr, lui, il est... Il est non pas un oligarque en tant que détenteur du capital, mais il est un oligarque en tant qu'agent de propagande. Et aussi, d'ailleurs, il touche des dividendes, puisqu'on sait qu'il est quand même impliqué dans des histoires de plus ou moins de trafic d'armes, de vente de conseils aux potentats africains. Enfin, je veux dire, il y a toujours une dimension d'argent hein, dans la manière dont ces clercs adhèrent à une idéologie. C'est une idéologie qui leur rapporte directement. Hein. Et pour aller... Pour aller un peu plus loin, ce qui est intéressant avec Attali, c'est qu'il fait partie de ces anciens internationalistes qui venaient donc de la gauche des années 70, qui sont passés au mondialisme de droite dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils ont pris le virage qu'on appelle néoconservateur, qui aux États-Unis est le fait d'anciens trotskistes, et en France beaucoup le fait d'anciens maoïstes. Mais disons, globalement, ce sont des gens de mai 68, souvent, qui sont les plus acharnés agent de propagande de ce mondialisme libéral. Hein. Attali est au cœur de ce dispositif. Il y a aussi, de façon plus discrète et plus perverse, sans doute, Cohn-Bendit. Mais Attali, lui, le théorise, à travers notamment sa théorie du nomadisme. Alors, il faut bien comprendre que le nomadisme, chez Attali, c'est d'abord la logique même du capital, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché, et pour le plus grand profit, hein, c'est ça le nomadisme. Et ce nomadisme, en fait, est à deux vitesses, c'est-à-dire que pour les gens du peuple, c'est en fait la déréglementation intégrale non seulement du marché du travail, non seulement dans le temps, hein, c'est-à-dire ce qui était déjà la forme classique, mais aussi dans l'espace, c'est-à-dire que le travailleur doit être disponible tout le temps, dans le temps, et tout le temps aussi dans l'espace, c'est-à-dire là où il doit se déplacer, là où le capital a besoin de lui. Et en fait, donc ce nomadisme du bas dont parle Attali, c'est l'esclavage intégral. C'est-à-dire le travailleur doit travailler quand on lui dit et où on lui dit. Hein. S'il faut aller en Roumanie, il va en Roumanie. S'il faut travailler la nuit, il faut travailler la nuit. Et ça, c'est le processus de déréglementation et de dérégulation qui a détruit notamment les acquis sociaux des Trente Glorieuses et de la société keynésienne, qui s'accélère depuis les années 90 et dont Attali se fait le chantre. Et l'autre dimension du nomadisme, parce que c'est un nomadisme à deux vitesses, c'est le nomadisme là des élus ou de l'hyperclasse, qui sont en fait les gens qui, étant les détenteurs du capital, sont les maîtres partout où règne la loi du capital. C'est-à-dire que ça peut donner la définition libérale du sionisme, c'est-à-dire qu'une terre appartient à ceux qui ont les moyens de se la payer, tout simplement. C'est aussi la définition de Paris telle que le maire de Paris, soi-disant de gauche, c'est-à-dire que Paris est une ville de riches et de touristes, et le petit peuple de Paris traditionnel est chassé dans les banlieues par la pression de l'argent, en faisant monter les loyers, les impôts locaux, etc. Donc en fait, cette vision d'Attali, cette vision nomade, est en fait une vision où il y a des élus et des ilotes. Hein. Cette notion d'hyperclasse fait converger en fait une conception tribale et une conception libérale. Hein. C'est en fait un élitisme ethno-libéral, puisqu'en fait, il combine en fait l'hyperclasse, dans une lecture, on va dire, économiste, et aussi le peuple élu, car il faut bien voir aussi que M. Attali a une dimension communautaire très forte, et que pour lui, sa vision du monde, en fait, devient à la fin ethno-libérale. Hein. C'est l'hyperclasse des élus qui domine entièrement les ilotes. Hein. Si vous regardez des références bibliques, ça ressemble assez, finalement, à la vision du monde hétéro-testamentaire. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Il suffit de lire et d'écouter ses conférences. Ok, alors la Suisse est un pays où il y a une forte consommation d'antidépresseurs. Hein. Je crois que c'est l'un des pays au monde où cette consommation est la plus grande. La France a le record du monde. Hein. C'est le premier pays de consommateurs d'antidépresseurs du monde. Hein. C'est la France. Alors, peut-être la Suisse vient un peu après, mais c'est d'abord la France. Mmh. Alors voyez-vous un rapport entre justement cette forte dépression du peuple avec l'évolution de cette société libérale-libertaire que vous décrivez? Oui, d'ailleurs, cette société libérale-libertaire, ça c'était dans sa phase, je dirais, d'ascension, c'était la période de la carotte. Aujourd'hui, j'appelle ça, moi, la société libérale-sécuritaire, c'est-à-dire c'est la période du bâton. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette société est libérale-sécuritaire, non pas sécuritaire contre les délinquants ou les immigrés sans papier, c'est-à-dire les clandestins, elle est sécuritaire envers le petit peuple, les classes moyennes et les salariés. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette société libérale ne peut plus se vendre au nom des bienfaits matériels qu'elle apporte au peuple, donc elle se vend par la menace et la sécurité. Hein, c'est-à-dire le flicage généralisé au nom de la sécurité routière, au nom de la lutte contre la violence conjugale, au nom de la lutte contre la pollution, au nom de la lutte contre les virus, vous voyez, on est dans une logique aujourd'hui libérale sécuritaire, mais sécuritaire contre le peuple, hein, pas contre les délinquants. Voilà. Donc ça, et cette société libérale sécuritaire, qui est une société donc d'encadrement policier, d'interdit généralisé au nom, soi-disant, de la liberté des minorités, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on ne peut plus rien dire, on est dans le règne du politiquement correct, au nom, soi-disant, de la défense des minorités qui n'ont d'ailleurs rien demandé et qui sont toujours représentés par des gens qui n'ont pas été mandatés par ces minorités. Donc, on est des sociétés qui sont moralement assez laides, puisque c'est le règne total de la marchandise et du profit, qui sont socialement bloquées, c'est-à-dire le règne de chômage massif, et qui sont donc sans idéal et dans une période de régression sociale. Donc, ça génère chez des gens qui ont été élevés dans l'humanisme forcément un décalage tel entre les promesses humanistes et la réalité de la société libérale actuelle, libérale sécuritaire et libérale de régression sociale, effectivement beaucoup de névroses, et cette névrose ayant peu de moyens de s'exprimer sur le plan politique, parce que tout ayant été verrouillé au niveau des partis d'opposition, ça se traduit effectivement par de la dépression individuelle, et pour tenir, puisqu'on est ensuite dans une société du travail, de la productivité, de l'efficacité, etc., par beaucoup de prises d'antidépresseurs, parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui, un peu comme des zombies, vont bosser, essayent de tenir, essayent de payer leurs frais fixes, essayent de faire tourner la machine, et ben, en se gavant d'antidépresseurs et en faisant le boulot sans beaucoup d'espoir. C'est une société effectivement assez triste et assez laide. c'est dépressif, c'est suicidaire, seraient, selon vous, des sortes de résistants, d'exclus du système qui ne peuvent pas y adhérer, finalement? Non, non, parce que quand on est résistant, on n'est pas dépressif. Justement, ces gens sont dépressifs parce qu'ils ont peu de moyens de résister au rouleau compresseur libéral sécuritaire qui est devenu un totalitarisme, exactement comme il y avait des gens très dépressifs dans les sociétés totalitaires type socialisme réel, URSS ou l'Allemagne de l'Est, parce que la société était entièrement verrouillée et qu'il n'y avait pas de moyens d'organiser l'opposition. Hein. En réalité, quand les gens dépressifs arrivent à identifier leur souffrance, c'est-à-dire que c'est une souffrance qui a des causes sociales et pas des causes psychologico-psychanalytiques, donc ils arrivent à identifier leur souffrance et qu'ils arrivent à se regrouper et à lutter ensemble, ils sortent de la dépression pour rentrer dans la résistance. Justement aujourd'hui, finalement, s'il y a beaucoup de gens dépressifs, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de résister. Alors, et justement, l'alternative à la dépression, c'est soit le médicament et l'explication psychologico-individuelle, hein, qui fait partie de la logique de domination libérale, soit l'engagement dans la résistance avec une analyse sociale et, comment dirais-je, un regroupement, c'est-à-dire une activité collective. Car il faut bien voir aussi que cette société libérale sécuritaire pousse par tous les moyens à l'hyper-individualisme. Et que cet hyper-individualisme, qui est présenté comme liberté, la liberté du moi-je, est en réalité, dans le monde social réel, une grande solitude. Voilà. Or, la résistance, c'est des réseaux, c'est de la conscience et des réseaux. Pour devenir résistant, il faut sortir de la dépression, et que le moyen de sortir de la dépression, c'est de passer à la résistance, c'est-à-dire à l'identification des causes sociales et objectives de sa névrose, sortir du piège de l'explication psychologico-psychanalytique, qui dirait en fait que le problème vient de vous, alors qu'en fait il vient quand même du mensonge, je dirais, du système et de sa violence réelle. Et dès lors qu'on a identifié ça et qu'on comprend la violence du système, on peut s'engager effectivement dans une résistance qui est toujours collective, et donc sortir de la solitude, sortir de l'inexpliqué, et effectivement sortir de la dépression pour rentrer dans la résistance. Or, en réalité, on voit bien que le système libéral sécuritaire a tout intérêt à avoir des individus dépressifs en face de lui, parce que la dépression, en général, génère non seulement l'apathie, mais aussi beaucoup ce qu'on appelle la consommation d'objets transitionnels, hein, c'est-à-dire la consommation boulimique. Donc en fait, un individu dépressif est beaucoup plus rentable pour la société marchande policière qu'un individu conscient et lucide, qui lui est quelqu'un qui peut s'opposer. Voilà. Donc, c'est, non seulement il y a beaucoup de dépressifs dans notre société, mais cette société produit des dépressifs, et cette société a intérêt à produire le plus possible de dépressifs, sachant que la machine économique tourne en fait avec assez peu de gens. Les trois quarts des gens sont en fait des semi-rebus, un peu ces îlots nomades dont parle Attali, et qu'ils soient à moitié dépressifs, un peu consommateurs, peu productifs, peu revendicatifs, finalement, ils sont à leur place. Hein, voilà. Donc la société libérale chère à Attali n'a pas intérêt à sortir les individus de leur dépression, légère. Au contraire. Voilà. Le pouvoir là, a intérêt donc à maintenir ces gens en dépression pour la consommation, mais est-ce qu'elle en est consciente et est-ce qu'elle finalement a voulu le faire? C'est compliqué parce que qui pense la logique du libéralisme? Ça, c'est ce qu'on appelle les logiques de classe, les inconscients de classe, y a les logiques collectives, vous voyez. Il n'y a pas un cerveau qui pense le système, mais le système a une logique globale. Et les gens qui sont à la tête de ce système savent quels sont leurs intérêts et, par l'intelligence collective, ont tendance à aller vers ce qui perpétue leur pouvoir et ce qui augmente leur profit. Donc là, il faut essayer de comprendre que dans la sociologie et dans la réalité du monde, il y a des intelligences collectives, des inconscients collectifs, des logiques collectives qui sont pensées par personne en particulier, mais par le groupe en général. C'est comme si vous me posiez la question de savoir est-ce que la fourmi sait qu'elle travaille à la cohérence globale de la fourmilière. La réponse individuelle est non, mais la réponse collective est oui, parce que si c'était non au niveau collectif, il n'y aurait pas de fourmilière, vous voyez. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le bourgeois individuel, ou l'oligarque individuel, ou l'agent de l'hyperclasse au sens individuel n'a pas forcément compris toute la logique perverse à laquelle il participe, mais ce qui compte, c'est qu'effectivement, on constate qu'il y participe et qu'il fait sa part de travail. Vous voyez, il y a une espèce de division du travail, hein, comme dans le taylorisme. Donc, Attali, je pense que lui, a une vision globale consciente du processus auquel il participe, mais sans doute que dans ce qu'on appelle la nouvelle classe, c'est-à-dire les agents secondaires, les exécutants et les sous-fifres de l'hyperclasse, il y a des gens qui collaborent de bonne foi et qui n'ont qu'une vision partielle de la logique globale. Hein. Ça me paraît certain. Donc, la réponse, effectivement, c'est qu'il faut toujours avoir une vision de l'être collectif. Hein. Voilà. Ok, alors pour parler maintenant un peu des jeunes, comment ressentez-vous la jeunesse d'aujourd'hui ? Est-elle à l'image des jeunesses passées ou a-t-elle radicalement changé ? Déjà, sur le plan sociologique, parler de la jeunesse, c'est déjà un piège, parce qu'il y a des jeunesses. Hein. La jeunesse, c'est une classe d'âge, mais après, elle éclate selon les origines de classe, puis les origines culturelles et les origines ethnico-culturelles, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans les années 60, et ça s'est prolongé jusqu'au milieu des années 70, il y avait un fort courant idéaliste et humaniste dans la jeunesse, avec l'anti-impérialisme, une jeunesse qui espérait en des lendemains qui chantent pour le monde. Et ça a donné d'ailleurs des choses assez belles, comme la pop-musique, comme l'espoir Kennedy aux États-Unis, comme à un moment donné, peut-être dégel de certains pays de l'Est. Donc on avait une jeunesse idéaliste. Et puis ça a basculé avec les années 80, où la jeunesse est tombée, je dirais, sous le joug de la dictature libérale, où la mode a été à l'égoïsme, à l'argent, où les icônes n'ont plus été Che Guevara mais Bernard Tapie. Et on est dans une phase aujourd'hui de jeunesse qui est censée avoir rallié le système, être dans une logique individualiste de type bling-bling, et une jeunesse globalement dont l'idéologie est beaucoup plus libérale, peu humaniste et pas très et avec beaucoup moins de charme. Ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours des individus et des groupes de gens qui produisent un discours de contestation, une vision idéaliste conforme, on va dire, à la tradition adolescente, puisque l'adolescence, c'est quand même l'âge de l'idéalisme. Donc, globalement, la jeunesse est en régression sur ces critères-là d'humanisme et de générosité, mais il y a des tas d'îlots d'exceptions, et je dirais même que comme l'idéologie dominante n'est plus à l'idéalisme, ceux qui produisent encore une idéologie adolescente positive le font non pas par adhésion à l'idéologie dominante comme dans les années 70, mais par résistance. Donc il y a moins de jeunes sur cette ligne-là, mais en général, quand ils y sont, ils le sont de manière plus autonome, plus formée et plus intéressante, puisque ce n'est pas une mode. Voilà. Donc, en quantité, la jeunesse est moins belle, entre guillemets, dans les années 60-70, mais en qualité, ceux qui résistent sont, à mon avis, mieux formés hein, et plus autonomes. Voilà. Donc, pourrait-on assister ces prochaines années à une sorte de nouvelle révolution ? Et si oui, serait-elle récupérable par une entité, quelle qu'elle soit ? Déjà, les révolutions, il n'y en a pas eu 36, hein, parce que les 68 n'est pas une révolution. C'est une mutation de la société libérale, avec des turbulences internes sur le plan ouvrier, sur le plan sociétal et sur le plan étudiant, mais qui finalement accouche effectivement du libéralisme libertaire, c'est-à-dire à la création d'un nouveau marché qui est le marché du désir, etc. Donc finalement que le libéralisme récupère entièrement, ce qui donne aujourd'hui toute la clique des anciens de mai 68 qui tapinent pour le pouvoir libéral, effectivement la bande à Cohn-Bendit, etc. Donc il n'y a pas eu de révolution en France. Il y a eu une révolution, c'est 1789, une révolution avortée qui est 1848, une autre révolution détruite dans le sang qui est 1870, et puis après il y a le lent processus, comment dirais-je, d'intégration de l'alternative révolutionnaire à la démocratie parlementaire et à la démocratie de marché, et la réduction de la volonté révolutionnaire, on va dire, aux revendications syndicales qui finalement sont réduites à la fin au combat pour le pouvoir d'achat. Donc, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de révolution et même pas beaucoup d'opposition révolutionnaire. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que c'est une aggravation des contradictions internes du système de domination. Et c'est pour ça que moi, je pense plus à l'écroulement du système qu'à une révolution. Et là, je fais le parallèle, comme le fait d'ailleurs le dissident russe Bukovsky, je fais un parallèle avec l'URSS. L'URSS n'est pas tombée par un processus révolutionnaire ou même par le travail, je dirais, de destruction de ses dissidents. L'URSS est tombée de l'intérieur. N'oublions pas que c'est Gorbatchev, c'est-à-dire le grand patron du communisme russe, qui a décidé de mettre fin à l'expérience parce qu'elle ne fonctionnait plus, qu'elle n'était plus vivable. Et donc moi, je crois plutôt qu'à une révolution, à un écroulement du mondialisme libéral par ses contradictions internes, c'est-à-dire à savoir que la crise deviendra ingérable. Et aussi, je crois même, à un moment donné, c'est un peu comme en URSS, que les corps constitués qui font tourner la machine au service de l'oligarchie se détourneront de l'oligarchie et cesseront de lui obéir parce qu'ils se rendent compte de plus en plus, pour les plus honnêtes, que le projet oligarchique a de moins en moins à voir avec le projet humaniste hein, qui était en vitrine et en façade. Donc je crois que s'il y a une révolution demain, je pense notamment en France ou dans le monde occidental chrétien et même helléno-chrétien, ça serait plutôt à un moment donné, que les corps constitués désavouent complètement l'oligarchie, refusent de lui obéir, et qu'à un moment donné, l'oligarchie abandonne le pouvoir, comme au moment de la nuit du 4 août, hein, où la noblesse est obligée de renoncer à ses privilèges sous la pression populaire, et puis finalement, par étapes successives, ça finit à la fin par Louis XVI guillotiné. Hein. Mais ça sera plutôt, si on a fait une analyse fine, un écroulement en fait du régime, parce que je crois que la Révolution française aussi est en grande partie liée à un écroulement du régime à partir de la fin du règne de Louis XIV, du règne de Louis XV, etc. On met en place tout le processus d'écroulement de la monarchie française. Voilà. Donc, je ne crois pas à une révolution de type gauchiste qui fait rêver les adolescents avec des barricades, une révolte du peuple, etc. Mais je crois un écroulement du système et aux élites, ce qu'on appelle les corps constitués, qui effectivement, à un moment donné, refuseront d'obéir à l'oligarchie. Et je pense que même ce type d'écroulement type URSS peut se passer en premier lieu aux États-Unis, où aujourd'hui il y a une très forte résistance en fait des patriotes américains contre l'oligarchie impériale qui de plus en plus en fait se fait sur le dos du peuple américain et même détruit l'Amérique, notamment dans ses principes fondateurs, l'Amérique des pères fondateurs, mais aussi l'Amérique industrielle. Vous voyez, et il est possible même que finalement ce système mondialiste oligarchique libéral s'écroule non pas sous la pression du socialisme, ça on sait déjà que c'est mort, même pas sous la pression du monde musulman, parce que le monde musulman est très divisé, mais s'écroule au cœur même du dispositif, c'est-à-dire par un basculement aux États-Unis dont on voit parfois les prémices avec une certaine intelligentsia WASP qui se révolte contre ses propres élites mondialistes. Mais alors, quel genre de société succéderait cet écroulement que vous décrivez ? Sans doute une société qui admettrait que le libéralisme, qui est un processus global et intégral, n'est pas l'équivalent du progrès et qu'il faut revoir toute la logique de la croissance, toute la logique du pur profit, et sans doute une société effectivement qui déboucherait sur des états généraux et effectivement qui ferait de l'écologie authentique, du partage social authentique, et peut-être une société qui correspondrait à ce que donne finalement la constitution américaine une fois qu'elle s'est émancipée de la tutelle de la monarchie anglaise, ou une société qui correspond à la société révolutionnaire française quand elle convoque les États généraux et qu'elle produit une première constitution, une société effectivement qui se réunirait pour tirer les conclusions d'une dérive libérale qui a duré deux siècles et qui amène effectivement au même genre de catastrophe finalement par le processus inverse que le socialisme réel. Ça peut être ça, ça peut donner ça. C'est pas du tout forcément quelque chose qui se passerait dans un bain de sang avec des affrontements de classes violents, puisque aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus avec la complexification des rapports de classe, on n'est plus dans une société classe contre classe qui pourrait aboutir à une révolution style révolution bolchévique russe, vous voyez. C'est plutôt une société qui se débarrasserait de ces élites oligarchiques mondialistes. Ces élites-là, d'ailleurs, se sauveraient pour ne pas être liquidées. Elles sont très peu nombreuses, et en réalité, l'immense majorité des peuples se réconcilieraient assez vite sur un projet que partagent à peu près, finalement, beaucoup, beaucoup de gens. Le corps des fonctionnaires, le corps des élites techniciennes, le corps des travailleurs productifs, finalement, si on leur laisse la parole, sont assez d'accord sur le constat, puisqu'aujourd'hui, cette société libérale intégrale ne profite qu'à une toute petite oligarchie mondialiste, très peu nombreuse, très violente, qui accapare à peu près toutes les richesses, et qui incarne parfaitement M. Attali. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir, voir comme ça un homme politique français venir ici en Suisse à l'École Polytechnique Fédérale. On se pose beaucoup de questions. C'est que Attali est quand même quelqu'un qui est condamné pour plagiat, qui a failli être envoyé en prison quand il était patron de la BERD pour des gestions frauduleuses, qui a un nombre de casseroles incroyables et qui est disqualifié un certain nombre de fois en tant qu'intellectuel et en tant qu'honnête homme. Et je ne vois pas très bien pourquoi la Suisse a besoin d'attirer un personnage louche comme ça. C'est plutôt la preuve que la Suisse est elle aussi sous domination d'une oligarchie mondialiste, hein. Ok, alors pour finir, vous êtes donc président d'Égalité et Réconciliation, qui est actuellement une association, mais qui deviendra un parti politique, je crois, l'année prochaine. Oui, enfin, on a comme projet à un moment donné de grandir et donc de devenir un parti politique, pour ne pas rester qu'un think tank, comme on dit. Mais c'est pas dans la. On se donne plutôt 18 mois pour le faire. On produit de la doctrine. On essaye, nous, de ramener la jeunesse consciente à la culture politique. Voilà. C'est de produire du concept, des analyses et de produire une offre que l'université et que les clercs, que les élites traditionnelles, ce qu'on appelle les clercs, ne produisent plus. Parce que, comme l'avait déjà dit Banda il y a longtemps, il y a eu une trahison des clercs qui s'est accélérée et notamment qui est passée, comment dirais-je, à la collaboration intégrale à partir des années 90. Hein, aujourd'hui, l'offre, comment dirais-je, de critique n'est absolument plus proposée par le corps des clercs, donc il faut qu'elle soit produite ailleurs. Et nous, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de proposer aux jeunes qui se posent des questions, du concept. D'ailleurs, à eux de choisir après, c'est pour ça que nous, on est transcourant, on va chercher nos références aussi bien dans la droite des valeurs que dans la gauche du travail. Hein, on n'est pas sectaire et on ne s'inscrit pas dans la fausse ligne de partage gauche-droite qui est devenue une escroquerie intégrale aujourd'hui. On le voit d'ailleurs avec justement des gens comme Attali qui sont passés de la gauche internationaliste à la droite mondialiste sans aucun problème. Lui, comme Adler, comme Benedict. Voilà, donc aujourd'hui, un des pièges à éviter est le piège gauche-droite. Donc nous, effectivement, on est pour produire du concept en allant chercher là où on pense que les valeurs sont positives et sont des réponses à la crise actuelle. Et on va aller chercher aussi bien dans ce qu'on appelle la droite des valeurs que dans la gauche du travail. C'est-à-dire qu'on est à la fois marxiste, néo-nationaliste. On peut aussi bien lire Barrès que Lukács, que Gramsci, que De Benoît. Voilà. Et c'est ce qui nous avons donc deux ennemis. Les libéraux, effectivement, qui n'aiment pas le travail critique qu'on produit. Mais aussi les gauchistes idiots qui sont passés depuis très longtemps dans la collaboration au libéralisme mondialiste par leur internationalisme stupide. Et aussi, comme ennemi, une extrême droite racialiste et haineuse qui ne comprend pas ce qu'on fait non plus. Donc, étant dans le transcourant, c'est un travail intéressant, mais on a effectivement des ennemis. On a la gauche idiote et la droite idiote contre nous, plus la droite très intelligente, à laquelle appartient Attali. Si vous auriez un message à faire passer auprès des jeunes étudiants de Suisse, de Lausanne, qui veulent résister, qui se sentent mal dans cette société, quels conseils vous pourriez leur donner dans leur démarche? Ben déjà, une première chose, qu'ils sachent que l'histoire ne s'arrête jamais. Que contrairement au match de football où il y a 90 minutes de jeu, et qu'effectivement quand on est mené 5-0 à 10 minutes de la fin, on pense qu'on ne gagnera pas le match. L'histoire est un match qui n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'on peut être mené 15-0, c'est pas pour ça qu'on perdra la partie, parce que la partie ne s'arrête jamais. Donc il y a des périodes, effectivement, où on a l'impression désespérante que tout est contre nous, mais les choses comme le disaient les Grecs, il y a des périodes de kairos, hein, il y a des périodes de chronos et des périodes de kairos, il y a des moments où l'histoire s'accélère et où les choses s'accomplissent très vite. Vous voyez, les périodes de ce qu'on appelle la chevette de Minerve chez Hegel. Vous voyez. Donc, on a l'impression effectivement d'une société désespérante, où on ne fait qu'accumuler les défaites, où le libéralisme mondialisé effectivement digère et dissout toutes les oppositions. Et puis en même temps, on peut imaginer que les contradictions s'accumulant, dans une période là qui peut être assez rapide, ça peut basculer, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il est toujours mieux de résister dans la conscience et dans le projet collectif que dans la dépression individuelle et dans la soumission. Et qu'en plus, il n'est pas impossible que les choses se mettent à bouger, et se mettent à bouger à un moment où on s'y attend finalement peu, et sur des avec des petites causes qui peuvent entraîner de grands effets. Voilà, donc, comme disait Maurras, le désespoir en politique, et je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est une attitude stupide, donc pas de désespoir, se cultiver, profiter de l'outil Internet, qui est quand même quelque chose qui nous a sauvés d'une certaine manière, puisque au moment même où tous les médias passaient sous le contrôle intégral de ce que j'appelle l'Empire, de l'Empire mondialiste, puisque tous les médias appartiennent à la banque et aux marchands d'armes, et aujourd'hui il n'y a plus de médias d'opposition, sauf médias marginaux, puisqu'on voit que en France, les grands médias, soi-disant critiques comme Le Monde et Libération, sont passés entièrement sous contrôle de l'oligarchie mondialiste et de son projet. Mais en revanche, il y a eu Internet qui étant un réseau mondial autogéré et très difficile à fliquer. Et donc, on peut résister à la fois en allant s'instruire sur Internet et en faisant le tri, et aussi en se réunissant, parce qu'il ne faut pas être que dans la résistance virtuelle, et en participant à des mouvements d'échange et de résistance comme le nôtre, Égalité et Réconciliation, comme je crois qu'en Suisse il y a une unité populaire de l'ADP qui avec qui on correspond très étroitement, et finalement il y a toujours les moyens de s'instruire, de résister, de produire de la critique, de la conscience, et l'exemple à la limite de l'URSS c'est un très bon exemple. Il y a eu une chape très violente qui a duré 70 ans. Il y a eu des dissidents qui se sont organisés en réseau, qui finalement ont eu une vie qui était positive, qui a pour certains produit des œuvres magistrales. Et puis à la fin, ils ont vu l'Empire tomber quand même. Hein. Donc l'URSS a duré 70 ans. Le nouvel ordre mondial et la fin de l'histoire, c'est-à-dire la convergence de l'analyse de Fukuyama et du décret impérial de Bush, père et fils, finalement, remonte à assez peu de temps. Et on voit quand même l'Empire se fissurer. Poutine est quelque chose que les impériaux américains n'avaient pas prévu. Il y a le déplacement, effectivement, de la sphère de domination, on va dire, thalassocratique, vers l'Eurasie. Il y a des tas de choses qui se passent qui fait qu'on ne peut pas croire que l'Empire gagnera éternellement et que l'histoire s'est arrêtée. Et il est possible qu'on voit l'Empire tomber, l'oligarchie mondialiste arrogante est obligée de se carapater pour ne pas se faire botter les fesses ou finir pire comme Mussolini pendu à un croc de boucher. Donc, cultivons-nous, produisons de la critique, fédérons-nous, sortons de la solitude, je dirais même amusons-nous, car il y a une dimension festive dans la résistance et dans la dissidence. Et finalement aussi... on peut aussi s'amuser de la dimension parfaitement grotesque de nos élites mondialistes, les Bernard et Lévy, la famille, qui sont quand même des, quand on les regarde de près, des escrocs comiques. Hein. Ok, alors merci beaucoup Alain Soral pour cette interview. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et surtout, n'ayez pas peur de la diabolisation, soyez courageux, n'ayez pas peur des anathèmes. Hein. Ne vous soumettez jamais au processus de diabolisation de l'ennemi. Hein. Ayez le courage d'appeler un chat, et vous avez pour ça des moyens qui sont les logos, l'argumentation rigoureuse, les faits. Voilà. Ce que j'ai dit sur la clique oligarchique ethno-libérale se voit de plus en plus, c'est vérifiable, et quand on va au texte, une déclaration, allez chercher les vidéos d'Attali, vous verrez qu'il le professe et il le déclare et il le revendique eux-mêmes. Voilà. Salut à vous.